très vite et il y a eu beaucoup, beaucoup de propositions de musiciens. Ils voulaient tous venir 3 jours à Dunkerque, mais on n'avait pas la possibilité de faire autrement qu'une fois par mois, ces 3 jours. Alors il y avait une queue, il y a toujours la queue. Les musiciens veulent toujours venir 3 jours à Dunkerque. Et tout le monde en parle. Voilà. C'est un lieu qui a été très vite reconnu dans le monde du jazz français et européen. Parce qu'on a des musiciens italiens aussi qui viennent et qui sont venus à l'époque aussi. Et puis on a eu tous ces grands noms. C'est parce que vous n'êtes pas... On n'est pas dans la salle. Ici, on est dans un bureau, mais dans la salle, il y a des photos de tous ces artistes, ces grands noms du jazz qui sont venus. Et au début, ils n'étaient pas encore tellement reconnus. Mais là, maintenant, quand on voit leurs noms, Paolo Fresu, Henri Texier, enfin, tous ces gens-là, c'est vraiment des gens qui ont débuté chez nous. On est fiers d'avoir eu ces musiciens-là à Dunkerque. Alors, par exemple, il y en a un qui est italien, qui s'appelle Stefano Di Battista. Eh bien, le premier concert qu'il a fait maintenant, c'est un dieu. Il passe partout. Mais Stefano Di Battista, premier concert qu'il a fait en France, c'est aussi au Jazz Club. Donc, il y a eu beaucoup de grands noms du jazz qui sont passés dans leur début, et puis qui reviennent maintenant. Là, ils ont une notoriété. On a fait aussi passer des jeunes groupes de la région, et on les faisait venir pour qu'ils répètent, pour qu'ils travaillent avec un artiste. On a fait tout ce qu'on a pu pour que ce jazz progresse. Et puis, bon, il y a eu un moment où la MJC n'était plus du tout conforme aux règles qu'on exigeait pour accueillir du public. Donc là, c'était ce lieu en bas, au sous-sol. On a dû dire adieu et trouver un lieu plus grand. Et on est sorti du coup de la MJC et on a créé une association qui s'appelle Jazz Dunkerque. Et on a été aidé aussi. On a essayé partout dans Dunkerque. On avait trouvé un lieu qui est maintenant un restaurant. C'était un très beau lieu. On avait fait les plans, on avait tout imaginé. Et puis, il y a des commerçants qui ont acheté ce lieu. Du coup, on ne l'a pas eu, mais le maire nous a donc donné le lieu où on est maintenant, voilà, au Pôle Marine, une salle de cinéma qui a été refaite un peu à notre... surtout à ma demande. Michel Delevar a vraiment fait beaucoup, beaucoup pour qu'on ait un lieu comme on voulait. Voilà. Et ça, c'est maintenant un lieu qui est reconnu par tout le monde. On a un public qui vient de très loin, des adhérents qui viennent de Bruxelles, de Normandie, de Paris, il est reconnu et on a des adhérents qui viennent de très loin. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui, quand même, je peux le dire, on a fait une soirée ici à Dunkerque plutôt que de la faire à Paris. J'ai été invitée par le ministre de la Culture pour être décoré dans Chevalier des Arts et des Lettres. Et donc, je n'ai pas voulu aller à Paris. J'ai voulu rester dans ma ville et qu'on fasse cette soirée au Jazz Club avec les adhérents et avec le maire qui nous avait aidés. Donc, j'ai été décorée ici à la mairie de Dunkerque et on a fait une belle fête avec avec tous les adhérents, les musiciens ont joué à la mairie et après on a eu un concert le soir. Alors ça, c'était, ça m'a marqué aussi d'avoir cette récompense. Et il y a eu, enfin, beaucoup, beaucoup d'articles. Pour les 40 ans du Jazz Club, j'avais tout un paquet d'articles là. Tout le monde a reconnu tout ce qui avait été fait au Jazz Club pour les 40 ans. Toute la presse locale, nationale, a parlé de nous. Les journaux Jazz Magazine, Jazz News, et puis tous les journaux locaux nous ont vraiment fait des articles élogieux au niveau de tout ce qui se passait. On est aussi... on fait partie d'une fédération, la Fédération des scènes de jazz, que j'ai créée avec trois de mes collègues. Il y avait un club dans le sud, à Avignon. Il y avait un club dans la région de Metz, qui n'existe plus celui-là. Mais à Avignon, oui, il existe toujours. La JMI à Avignon, il y avait le Petit Faucheux à Tours. Et le Jazz Club de Dunkerque, plus celui de Metz qui n'existe plus. Mais à quatre, on a créé une fédération des scènes de jazz. Et voilà, cette fédération, maintenant, on est à 180. Mais au départ, ça s'est fait pendant le Festival du Mans. On a fait ça à quatre. Et c'était... Je trouve que j'étais très heureuse de participer à cette création parce que on a fait évoluer les choses dans le jazz. J'ai toujours été une militante pour faire vivre cette musique que j'ai découverte comme ça, vraiment brutalement, mais ça m'a tellement passionnée que pour rien au monde, je lâcherai. L'écoute en tout cas de cette musique, l'organisation des concerts, ça c'est sûr que ça va pas être éternel pour moi, mais en tout cas je pense que j'aurais fait quelque chose dans ma ville et qui semble un petit peu incontournable parce que tous les gens du Nord-Pas-de-Calais connaissent le Jazz Club et même bien au-delà, mais en tout cas, à chaque fois qu'on a des concerts, les gens ne sont pas que les Dunkerquois. Et je dis ça aussi pour la ville. Quand il y a un concert, ils choisissent en général, quand ils viennent comme ça de loin, ils viennent le vendredi et ils viennent au concert. Et le lendemain, samedi, ils visitent la ville, ils vont dans les musées, ils profitent de la ville, ils vont faire un tour en bateau, quand c'est les beaux jours qui sont là. Moi je pense qu'on fait vivre les commerçants aussi, parce que quand ils viennent 3 jours, ils vont chez le coiffeur, ils s'achètent des chaussures, parce qu'ils n'ont jamais le temps de faire les choses quand ils sont comme ça, toujours à vadrouiller partout, tandis que là, ils se posent, ils connaissent tout de la ville, en partant, parce qu'ils font les musées, moi je trouve ça, c'est bien pour la ville, et nous on est heureux de voir qu'ils apprécient la ville de Dunkerque aussi. Donc en plus de militer pour le jazz, on a fait des choses aussi pour aider les commerçants, pour aider, et puis pour faire connaître cette ville de Dunkerque que tout le monde apprécie. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter de ma vie encore ? Paolo Fresu venait de Sardaigne. Et c'était vraiment un long voyage. Et à l'époque, c'était pas comme maintenant. On était encore à la MJC. Donc, il fallait qu'il prenne l'avion, un avion, un deuxième avion, puis après un TGV pour arriver jusqu'à nous. Et... tout le monde était là, sauf lui. Et il était en panne à Paris et il n'avait pas de moyens de communication. Le train avait été supprimé, je ne sais pas. Donc, il y a une voiture d'un particulier, enfin de quelqu'un qui était un spectateur, qui a dit, on attend un peu, et moi je fonce à Paris en voiture. Je sais que Paolo Fresu, on a dû attendre longtemps, parce que Paris-Dunkerque, quand même, c'est pas tout près, mais en attendant, les autres ont joué. Et alors, quand il est arrivé au pied de des marches de la MJC Terre-Neuve, alors là, il a eu un accueil formidable. Il est monté sur scène, il a pris sa trompette, il était crevé, mais on a eu un concert fabuleux. Voilà, ça c'était une image comme ça que j'avais en tête, parce que c'était... Eh ben, il faisait tout pour venir, même en panne à Paris. Il voulait absolument. Il disait, il faut qu'on vienne me chercher, moi. J'ai plus de moyens de locomotion. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes, mais... oui, ben, on a quand même eu Mike Stern, c'est un grand, grand guitariste américain, mais vraiment une pointure. Et jamais j'aurais pensé que dans notre lieu là, on aurait eu Mike Stern, mais si. Il est venu avec les frères Moutin, pour un concert de soutien, parce qu'on avait un petit problème financier. Donc, ils sont venus à trois. Et alors, la salle était pleine à craquer. Et on a peut-être dépassé les normes de sécurité, mais on a dit... Tant pis, il y a Mike Stern, on ne peut pas empêcher les gens qui viennent de si loin pour écouter Mike Stern. Donc on a fait ce concert, et alors, je ne sais pas combien de temps il a duré, mais c'était sans fin, quoi. Tout le monde faisait des rappels et des rappels, et lui il était heureux parce que, voilà, j'ai une photo dans le... Là, sur le mur de mon bureau, où il y a Mike Stern avec les moutins. Ça, c'était aussi un super souvenir. Il y en a eu plein, des souvenirs. On a eu tellement de bons musiciens. Et pendant 3 jours, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a des liens qui se créent. Et c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que j'appelle plus les musiciens, c'est eux qui m'appellent. Et ça fait quand même un paquet d'années que c'est comme ça. Ils veulent tous venir et on a du mal à... On ne peut pas les recevoir tous parce que j'ai pas les moyens pour les recevoir, les finances. Mais ils veulent tous venir. Voilà. Voilà, là, pour les 30 ans, il y a une belle affiche sur mon... La grande famille du jazz réunie pour les 30 ans de son club favori. Ça, c'était un article. C'est vrai qu'on a fait une grande fête pour les 30 ans. On a refait une grande fête pour les 40 ans. Et je crois qu'il n'y aura pas une grande fête pour les 50 ans. Peut-être que je serai encore là, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, pas au Jazz Club.